Radio Sunna vous présente une intervention en direct de Oustaz Abdul Karim Abu Asim. Waffaqahullah. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. Après avoir évoqué la situation politique dans le sud de l'Arabie à l'aube de la prophétie, nous allons voir quelle fut la situation de la région de l'Hira, c'est-à-dire dans l'Irak ou le sud de l'Irak actuel, ainsi que celle du Chem et dans le Hijaz. L'imam Saif al-Rahman al-Mubarak Furi, rahimallah tabarak wa ta'ala, poursuit et dit: les Persans régnaient sur l'Irak et tout ce qui l'entourait depuis le moment où le grand Cyrus, Kourouch el-Kabir, 557-529 avant la naissance, prit le pouvoir et ils connurent l'unité. Personne ne leur résista avant l'arrivée d'Alexandre le Grand, al-Iskandar al-Makdouni, mort en 326 avant la naissance. Celui-ci met en déroute leur roi Dara Ier. Il démolit leur puissance au point que leur pays morcelé passa sous la férule des rois, connus sous le nom des rois des clans, Mulouk Tawaif. Ces rois continuèrent de régner sur le pays ainsi morcelé jusqu'en 230 de l'année grégorienne. C'est à ce moment-là que des Arabes du sud de la péninsule, des Qahtaniyyin, des descendants de Qahtan, émigrèrent et occupèrent une partie de la campagne de l'Irak. Ils furent ensuite rejoints par des émigrants de la tribu des Adnaniyin, des descendants de Adnan, qui lui-même descendant de Ismaïl. Ces derniers les concurrencèrent au point de s'installer dans une partie près de l'Euphrate. Fin de citation. Les années passèrent et peu de temps avant la naissance du prophète, alayhi salatu wassalam, le pouvoir revint à un des enfants d'Al-Munzir, fils de Ma'issama, dont l'un est Al-Nu'man ibn al-Munzir. Celui-là s'attira la colère de Kisra, alors empereur de Perse, en raison d'une délation de Zayd ibn Ali al-Abbadi. En conséquence de cette délation, Kisra envoie chercher Al-Nu'man. Celui-ci se rendit en secret chez Hani ibn Mas'ud, le chef de la dynastie des Ali Shayban. Il lui confia sa famille et ses biens avant de se diriger vers Kisra. Celui-ci l'emprisonna alors jusqu'à sa mort et le remplaça à El-Hira par Iyas ibn Qubaysa al-Ta'i, à qui il donna l'ordre d'envoyer dire à Hani ibn Mas'ud de remettre ce qu'il détenait. Hani ayant refusé, le roi lui déclara la guerre. Kisra ne tarda pas à envoyer des renforts au roi. Une bataille sanglante s'engagea entre les deux armées, entre celle de Hani ibn Mas'ud et Iyas ibn Qubaysa al-Ta'i. Cette bataille s'engagea alors entre les deux armées à Ziqar, bataille à l'issue de laquelle triomphèrent les Banu Shayban. Les Persans furent abominablement mis en déroute, et c'était la première fois que les Arabes triomphaient sur des Noirs. On a rapporté que cela se passa peu de temps après la naissance du prophète, alayhi salatu wassalam, car le messager d'Allah sallallahu alayhi wassalam naquit 8 mois avant l'investiture d'Iyas ibn Qubaysa au trône de l'Hira. Après Iyas, Kisra investit un Persan et non plus un Arabe. En 632, le pouvoir revint à la dynastie de Lahm, Bani Lahm, en la personne d'Al-Munzir, fils de Nu'man, surnommé Al-Ma'rour. Celui-ci régna que 8 mois avant d'être attaqué par Khalid ibn Walid, radiallahu anhu, commandant de l'armée des musulmans à cette époque, ceci après la mort du prophète, alayhi salatu wassalam. La situation au Chem, en Syrie et en Jordanie, la Palestine et le Liban actuel. À l'époque, les Arabes s'étaient regroupés au Chem, notamment en Syrie, grâce à l'immigration des tribus. Il y eut notamment les Kouza'a, qui sont issus des Bani Sulayh, fils de Halwan, dont se réclamaient aussi les Banu Duj'am. Les Banu Duj'am, fils de Sulayh, connus sous le nom des Ad-Daja'ima. Les Romains les utilisaient pour prévenir le gaspillage des Arabes de la steppe, tout autant qu'ils en faisaient un appareil de guerre contre les Persans. Ils choisirent un roi parmi eux et pendant des années le pouvoir leur revenait. Le plus célèbre de ces rois, dont on estime que le règne s'étendit du début à la fin du deuxième siècle de l'ère grégorienne et s'acheva avec l'arrivée de la dynastie des Rassan, fut Zayd ibn al-Habula. Ceux-ci vainquirent Ad-Da'ajima et se virent investis par les Romains, rois des Arabes de la Syrie. Leur base était à Dawmatul Jandal. Les Rassanides ne cessèrent de régner sur la Syrie comme vallée des rois romains jusqu'à la bataille de Yarmouk en l'an 13 de l'Hégire sous le califat de Abi Bakrin, radiallahu tabaraka wa ta'ala anhu. Leur dernier roi, Jabal ibn al-Hay'am, fut soumis à l'islam. Cela se passa au temps du commandant des croyants Omar ibn al-Khattab, radiallahu tabaraka wa ta'ala. Concernant maintenant la situation au Hijaz, nous avons dit que le Hijaz et toute la partie occidentale de la péninsule arabique, et on l'appelle ainsi, car en réalité, c'est une chaîne de montagnes qui part du Chem et qui descend jusqu'au Yémen, en longeant toute la côte occidentale de la péninsule. Elle forme de ce fait un barrage naturel entre la mer Rouge d'un côté et les grandes plaines désertiques du Nejd de l'autre côté. Ismaïl alayhi salam dirigea la Mecque et la demeure sacrée d'Allah tabaraka wa ta'ala sa vie durant. Il mourut à l'âge de 137 ans et fut successivement remplacé par ses deux fils, Nabit et Qaidar. Il y en a qui soutiennent que ce dernier régna le premier. Après eux, la Mecque fut confiée à leur grand-père Mudad ibn Amr al-Jurhumi, de la tribu de Jurhum, événement par lequel la conduite de la Mecque passa entre les mains des Jurhum et y resta. Les enfants d'Ismaïl, alayhi salam, jouissaient d'un grand respect du fait du rôle de leur père dans l'édification de la demeure sacrée, mais n'avaient pas de pouvoir pour autant. Les années passèrent et ceux-ci continuèrent de connaître le même sort jusqu'au moment où faiblit l'autorité des Jarahima. Jarahima, ce sont les Bani Jurhum. Et ceci juste avant l'apparition de Burtanassar, à partir de qui l'étoile politique des Adnaniyin, des descendants de Adnan, commença à briller dans le firmament de la Mecque. En effet, à l'occasion de l'attaque menée par Burtanassar contre les Arabes à Zat al-Irq, le général qui alors conduisait les Arabes à la bataille ne fut pas des Jarahima, mais plutôt des Adnaniyin, des descendants de Adnan, c'est-à-dire des descendants d'Ismaïl. Lors de la deuxième attaque de Burtanassar en 587 avant la naissance, les Adnaniyin se dispersèrent vers le Yémen. Yarmiya, le prophète des Bani Israël, s'en alla avec Ma'ad à Haran, dans le nord de la Syrie, vers le Chem. Lorsqu'il eut cessé la pression exercée par Burtanassar, Ma'ad revint à la Mecque où il ne trouva de Jurhum que Jurcham ibn Jalhama, dont il épousa la fille Mu'ana, et celle-ci lui donna Nizar. Après cela, Al-Jarahima connurent une situation difficile à la Mecque. Ils se mirent à agresser les arrivants et même se permirent de prendre les biens de la Kaaba, ce qui irrita les Adnaniyin. Les Bani Khuza'a, installés à Marl al-Zahran, qui est une région qui s'étend d'une vingtaine de kilomètres au nord de la Mecque jusqu'à une vingtaine de kilomètres au sud de Jodda, actuellement. Ces derniers constatèrent l'antipathie des Adnaniyin à l'égard des Jarahima et exploitèrent la situation. Alors, en collaboration avec une fraction des Adnaniyin qui était Banu Bakr ibn Abdelmanaf ibn Kinana, ils combattirent les Jarahima au point de les chasser de la Mecque et de s'emparer du pouvoir au milieu du deuxième siècle grégorien. Contraints au départ, les Jarahima bouchèrent le puits de Zamzam dans le voisinage duquel ils enterrèrent plusieurs choses. À cet égard, Ibn Ishaq raconte que Amr ibn al-Harith ibn Mudad al-Turhumi emporta les deux gazelles de la Kaaba et aussi la pierre noire qu'il enterra dans le voisinage du puits de Zamzam avant de s'en aller au Yémen en compagnie des Jarahima, en compagnie des siens. Al-Mas'udi, rahimallah tabaraka wa ta'ala, a dit « Les Perses, dans les premiers temps, ont offert à la Kaaba plusieurs sortes de biens et des pierres précieuses. Sasan, le fils de Babak, a offert quant à lui deux gazelles en or, des pierres précieuses, une épée et beaucoup d'or. Tout ceci a été jeté par Amr ibn al-Haris ibn Mudad al-Jurhumi dans le puits de Zamzam. Ces derniers, donc al-Jarahima, s'attristèrent amèrement d'avoir quitté la Mecque et le pouvoir qu'ils y avaient. Dans ce sens, Amr dira كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يثمر بمكة سامر بلى نحن كنا أهلها فأبادنا صروف الليالي والجدود العواثر. Tout se passe comme s'il n'avait pas existé d'intimité et d'amabilité entre Al-Hujun et Safa, comme si nul n'avait encore passé la nuit à la Mecque. Nous voici malgré tout notre séjour dans ce lieu, devenus les hôtes du malheur et les grands-pères couverts de honte. On estime que l'époque où régnait Ismaïl alayhi salam remonte à 20 siècles avant l'ère chrétienne. Quant aux Jarahima, leur installation à la Mecque remontait à 21 siècles avant l'ère chrétienne, et leur règne sur la Mecque environ à 20 siècles avant l'ère chrétienne. Les Bani Ruza'a accaparèrent la Mecque à l'exclusion des Bani Bakr. Toutefois, les tribus de Mudar avaient trois privilèges. 1. Le fait de guider les pèlerins de Arafat à Muzdalifa et de leur accorder le répit le jour du départ pour Mina. C'est ce que faisaient Banu Haous, les fils de Mughra, de la tribu de Ilyas ibn Mudar, qui, comme je vous le rappelle, tous ceux-là sont des descendants de Adnan. On les appelait Soufa, la tribu de Ilyas ibn Mudar, on les appelait Soufa. Le sens de cette autorisation est que les pèlerins, au jour du départ, n'accomplissaient le jet de pierre que lorsqu'un homme appartenant au Soufa l'avait déjà fait. Ensuite, lorsque les pèlerins avaient fini d'accomplir le jet de pierre, Ramiou, et qu'ils voulaient quitter Mina, les gens de Soufa quadrillaient les alentours de l'Aqaba, de sorte que personne ne put passer avant eux. À l'extinction de leur clan, les gens de Soufa furent remplacés par des Bani Sa'id ibn Zayd Manat. C'est une fraction de la tribu Tamim. Le deuxième privilège concernait le déferlement de l'Ifadra, le lendemain du sacrifice pour Mina. Cette responsabilité fut attribuée au Bani Adwan. Troisièmement, le fait d'ajourner les mois sacrés. Cette responsabilité était attribuée au Bani Tamim ibn Adi, appartenant à la tribu des Kinana. Les Bani Khuza'a régnèrent sur la Mecque pendant 300 ans. Sous leur règne, les Adnaniyin se répandirent dans le Nejd, les extrémités de l'Irak et le Bahreïn. Resta aux extrémités de la Mecque une fraction de Quraysh et quelques familles dispersées appartenant à Kinana. Ils n'eurent aucun rôle à jouer à la Mecque ou à la maison sacrée d'Allah avant l'arrivée de Qusay ibn Kilab, dont nous avons déjà parlé dans des cours précédents. À propos de Qusay, qui est le grand-père de Hashim, qui est lui-même l'arrière-grand-père du prophète, à propos de Qusay, on raconte que son père, c'est-à-dire Kilab, mourut alors qu'il était dans le giron de sa mère. Celle-ci se remaria avec un homme des Bani Uzra, à savoir Rabi'a ibn Hiram, qui l'emmena dans son pays aux extrémités de la Syrie. Nous continuerons demain, Inch'Allah, tabarak wa ta'ala, à évoquer en détail l'histoire de Qusay, ses fonctions à la Mecque, la fonction de ses fils, de ses petits-fils, et quelles furent les différentes tâches attribuées aux différentes tribus de Quraysh avant l'avènement du prophète alayhi salatu wassalam. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, ash'alu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.